Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, Mordecai Richler, géant de la littérature et redoutable polémiste. Il y a beaucoup de Québécois qui ne savent pas que Mordecai est un polémiste né, que c'est quelqu'un qui il a dit encore plus de mal des Juifs qu'il en a dit des Québécois, si c'est possible. Ce côté hargneux de Mordecai Richler dont parle la réalisatrice et comédienne Micheline Langteau a si profondément marqué le Québec qu'il est aujourd'hui encore difficile d'évoquer le nom de ce célèbre auteur sans soulever de controverses. Si l'on reconnaît généralement à Mordecai Richler le titre d'auteur montréalais incontournable, ses prises de position politique continuent aujourd'hui encore de lui porter ombrage. Monstre sacré de la littérature canadienne et empêcheur de tourner en rond. Mordecai Richler a toujours été un original. Mais loin d'être unique en son genre, Richler fait partie de toute une génération d'artistes juifs nord-américains aussi flamboyants qu'irrévérencieux. De tous ces dénommés « Wild Jews », Richler est un des rares Canadiens et sans doute celui qui a le plus souvent brassé la cage, particulièrement ici au Québec. En cela, il se démarque. Extrait du documentaire « Le Cosaque de la rue Saint-Urbain », « The Last of the Wild Jew » en anglais, un documentaire réalisé par Francine Pelletier en 2010. Francine Pelletier, bonjour. Bonjour. Vous avez consacré un film, un documentaire entier à Mordecai Richler. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a donné envie de creuser ce personnage-là? Bon, moi d'abord, j'étais une admiratrice de l'écrivain. J'avais lu pas mal de romans de Mordecai Richler avant d'être approchée par son biographe Charles Foran. C'est avec lui que j'ai écrit le scénario du film. Charles, évidemment, connaissait bien Mordecai, lui dévouait tout un livre et avait aussi écrit un article remarquable sur toute la question du Wild Jew. Et comment Mordecai Richler faisait partie, en fait, d'une cohorte, de toute une génération d'intellectuels juifs qui sont tous, dont plusieurs sont connus, par exemple Philip Roth, Saul Bellow, Norman Mailer, mais aussi les grands comiques Lenny Bruce, Jerry Lewis et j'en passe. Ce sont à peu près tous de la même génération. Ce sont tous des fils d'immigrants juifs. Tous ont atterri aux États-Unis, sauf Mordecai. Et c'est d'ailleurs un hasard. Son grand-père devait aller à Chicago. Ah bon? Il a échangé son billet avec quelqu'un d'autre, puis il s'est retrouvé à Montréal. C'est un heureux hasard pour le Canada. Et ce sont des intellectuels qui ont grandi donc dans l'ombre de l'Holocauste, dans les pogroms, en fait, tout ce qui avait fait fuir leurs ancêtres, mais qui étaient maintenant en terre d'Amérique et qui voulaient pas être ces petits juifs timorés qui savent prendre sa place. Ils se sont inspirés, en fait, d'un auteur qui a fait fureur parmi eux dans les années 50-60, Isaac Babel, qui est le premier à avoir décrit « The Wild Jew ». Babel disait « Quand un juif monte à cheval, il n'est plus juif ». C'était une façon de se révolter face à sa condition et d'être rebelle, quoi. Ouais. Et donc, toute cette génération-là, dont Mordecai, se sont abreuvés de ces différentes sources d'informations, si rejeter, au fond, les stéréotypes, entre autres celui de tout ce qui tourne autour de la victimisation, c'est un peu ça? Oui, c'est rejeter le côté opprimé, victime, etc., et d'être, oser se moquer de soi-même. Ouais. Parce que là, c'était, je veux dire, toute la tradition juive fait en sorte que, bon, on pose beaucoup de questions, on remet en question, mais il y a une vénération de ce qui est venu avant. Et pour le cas de ces intellectuels-là, de ces écrivains-là, il n'était pas question de vénération. Ouais. Je reviens au tout début, à l'extrait qu'on entendait, qui est au tout début de votre film, parce qu'il est empêcheur de tourner en rond, polémiste, mais un sacré écrivain aussi, internationalement reconnu, une des plus grandes plumes de Montréal et du Canada. Qu'est-ce qu'il est d'abord et avant tout pour vous? Bon, c'est un écrivain d'abord et avant tout. C'est comme le dit dans le film Adam Gopnik. C'est vraiment dans la génération des Hemingway pour qui l'écriture, l'écriture romanesque, la littérature, c'était une mission sacrée. Et Dieu sait que Mordecai a écrit vraiment beaucoup d'articles, de journalisme, mais sa vraie mission dans la vie, lui, c'est d'être écrivain. Il a écrit autant parce qu'il avait 5 enfants, il a fait vivre de sa plume, il faut le faire, hein, dans ces années-là. Il a fait vivre de sa plume une femme et 5 enfants, et donc il écrivait à toute, pour quiconque... Pour vivre, quiconque voulait le payer, lui était prêt à écrire. Mais ce qui comptait, d'abord et avant tout, donc, c'est son œuvre romanesque, et c'est ce que vous retenez, vous aussi, Francine Pelletier. Cette œuvre-là, on y revient, au fond, elle parle de la communauté juive qu'il va connaître, contre laquelle il va se rebeller, puis elle parle de Montréal. Elle parle du Montréal de sa jeunesse, du Montréal des années 40. Qu'est-ce que c'est, ce Montréal-là, qu'il décrit tant dans son œuvre? C'est un Montréal absolument fascinant. Ce n'est pas le Montréal des deux solitudes, comme disait Hugh McLennan, c'est le Montréal des trois solitudes, où vraiment tout ce qui est à l'est de Saint-Laurent, évidemment, c'est le Montréal francophone. Tout ce qui est à l'ouest de la montagne, c'est Montréal anglophone. Mais dans le milieu, il y avait vraiment, c'était le quartier juif. Là. Si on montait la Maine, là, le boulevard Saint-Laurent, tout autour de ça, ben, évidemment, Saint-Urbain. Pris en étau. Oui, exactement. Ils étaient pris en sandwich, pour bien parler français, entre deux communautés où il y avait des bagarres épiques. Très souvent, mais pas toujours, les petits enfants juifs se battaient contre les anglophones, avec les francophones, contre les anglophones, parce que c'est les anglophones qui étaient les plus puissants, les plus riches, n'est-ce pas? Mais de façon générale, il y avait 3 tribus très démarquées. Et Mordecai Richler a grandi là-dedans, de parents orthodoxes. Sa famille, comme beaucoup de Juifs à l'époque, ce sont des familles orthodoxes qu'il, lui, va rejeter à l'adolescence. Parce que c'est ce Montréal qu'il décrit, des Trois Solitudes, mais aussi cette communauté dans laquelle il grandit. Et très vite, le portrait qu'il fait de cette communauté-là est très cinglant. Et qu'est-ce qui l'agace, lui? Et qu'est-ce qui agace une partie de la communauté juive dans le portrait qu'il fait d'eux? Ben, d'abord, il faut savoir, comme le dit un historien juif dans le film, que ça fait partie de la tradition judaïque de remettre en question, que de poser des questions. Donc, évidemment, les empêcheurs de tourner en rond, c'est à prime abord des gens qui posent des questions, comme Mordecai, mais en même temps, il en a contre... Et son premier grand roman qui va vraiment le mettre sur la carte littéraire, The Apprenticeship of Duddy Kravitz, L'apprentissage de Duddy Kravitz, c'est de faire le portrait de ces petits juifs qui n'aspirent qu'à ramasser de l'argent puis devenir des commerçants riches et prospères. Mais en même temps, il y a une scène extraordinaire dans le film que son ami Ted Kotcheff va faire de l'apprentissage de Duddy Kravitz, où le jeune Duddy, qui est ce money-grabbing Jew, là, ce petit juif qui aspire qu'à de l'argent, s'oppose à son père en disant « Pourquoi n'as-tu jamais eu de temps pour moi? T'sais, vous, les hommes de lettres, vous, les hommes qui vivez par le lit, vous avez que du mépris pour moi, mais un jour, je serai quelqu'un. » Donc, il y a la communauté intellectuelle juive, qui est vraiment assis sur ses traditions. Puis il y a cette nouvelle cohorte de jeunes juifs qui aspirent simplement à devenir plus prospères et plus riches. Ouais. Et il met ça en lumière de façon extraordinaire. Évidemment, ça dérange. C'est un portrait qui dérange. Il est très, très critique. Michel Langteau le disait au tout début de l'émission, mais probablement encore plus critique de sa propre communauté qu'il ne le sera du Québec français et du nationalisme québécois. Et puis ça donne un rapport un petit peu trouble entre la communauté juive et Mordecai Richler. Il irrite une bonne partie de la communauté longtemps, puis on se met à l'apprécier parce qu'on aime son franc-parler, parce qu'on aime la réputation internationale qu'il a. Donc c'est très complexe, ce rapport-là. On écoute un extrait assez extraordinaire de votre film, Francine Pelletier. Au moment où Mordecai Richler retourne dans son école secondaire, on a décidé de lui rendre hommage, et ça donne ceci. I think the notion of this reunion was a very engaging one. But I don't know who found those appalling funny singers and what they had to do with us. Otherwise, I'm very pleased to be here. Thank you very much. C'est assez formidable et ça dit beaucoup sur le rapport de Richler avec sa propre communauté, la communauté juive. Il est à la fois hué et applaudi. D'abord, qu'est-ce qui se passe dans cette séquence-là? Eh bien, c'est son tour. Effectivement, c'est une soirée en son hommage. Ça a été le président de son école dans le temps. Il est revenu. Vous savez, il a été 20 ans à l'étranger, ouais. À Londres. Puis en 72, je crois, il revient au Québec. Il revient à Montréal, sa ville. Et donc, on décide de lui rendre hommage. Et avant le discours, il y a une troupe de folkloriques là, qui prend la scène. Et puis, c'était assez amateur, merci. Puis lui, évidemment, il se targuait d'abord de dire la vérité. Il dit, la vérité devrait... Il ne devrait pas avoir une saison pour dire la vérité. La vérité est bonne à connaître, quel que soit le moment. Et il se faisait une réputation de le dire, même si... Dire ce qu'il pensait. Oui, et comme dit Terry Mosher, le caricaturiste Aislinn dans le film, il y avait un petit côté méchant. Il ne détestait pas vraiment faire mal aux besoins dans cette façon qu'il avait d'envisager qu'il était là pour dire les choses comme elles sont. Oui. Et la réaction, ça nous dit quoi sur... C'est riche aussi. Ça nous dit quoi sur le rapport qu'a Richler? Il est hué et applaudi en même temps par sa communauté. Oui, tout à fait. Quand il insulte cette... Je pense qu'il y a des gens... De façon générale, je trouve que la communauté juive est une communauté très franche. Elle dit les choses. C'est vrai qu'il y a une façon d'y aller, parfois même brutalement, mais on dit ce qu'on pense. Donc, il y a cette partie-là de l'auditoire qui trouve qu'il a peut-être raison, et d'autres qui trouvent qu'il ne sait pas vivre, puis c'est insultant, etc. Donc, c'est vrai qu'il a beaucoup indisposé. Il a comme sa propre communauté avant de s'attaquer d'abord, ensuite au WASP, à la communauté anglo-saxonne, notamment torontoise, et finalement québécoise. Il ouais. y a même des Juifs qui vont dire qu'il est antisémite, Richler. Oui, on considérait que c'était un juif qui ne s'aimait pas. Donc, ouais. C'était une façon de qui ne pouvait pas assumer sa judaïté. Et donc, il rejetait, ouais. Il crachait sur toute sa communauté. Moi, je pense qu'il y avait un rapport d'amour-haine avec la communauté juive. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il voyait, il la connaissait très bien. Et comme dit sa femme dans le film, il était un très bon juge mm-hmm. de ce qui se passait au sein de cette communauté-là. Je pense qu'on ne pourrait pas dire la même chose de son jugement, ouais. Par rapport au Québec, par exemple. Vous l'avez évoqué, il va quitter le Québec jeune. Il a 19 ans, il part une vingtaine d'années en Europe, à Paris, à Londres. C'est là qu'il va écrire son premier roman en 54, The Acrobat. C'est là qu'il va écrire son premier grand succès en 59. On en a parlé, L'apprentissage de Dolly Kravitz. Puis il y aura quelques autres livres pendant qu'il est là-bas. Pourquoi est-ce qu'il part si jeune? Qu'est-ce qui fait que Mordecai sent ce besoin de quitter le Québec? À l'époque, il n'y avait pas vraiment beaucoup de choix. C'était le Canada et le Québec étaient assez un désert littéraire là, pour quiconque voulait vraiment s'imposer sur la scène littéraire, voulait vraiment devenir un écrivain et vivre de sa plume. Ouais. C'était pas évident au Québec ou au Canada. Et lui, très jeune, tu sais, en adolescent, il avait décidé... après avoir un peu tourné le dos sur sa propre famille, les traditions très orthodoxes, très, très conservatrices, avait décidé que c'est ça qu'il voulait faire, il voulait écrire. Et c'est tout à son honneur qu'il a poursuivi à ce point. Il n'a jamais douté de lui suffisamment pour remettre ça en question. Et donc, l'exil, pour lui, c'était le passage obligé. De toute façon, à l'époque, c'est ce que beaucoup de gens aux États-Unis, Hemingway, d'autres ont fait. Et ça va bien se passer. Il part, il écrit à Londres surtout. Il revient en 72, inversement. Qu'est-ce qui fait qu'il ressent ce besoin de rentrer au Québec? Il dit qu'il sentait que s'il ne rentrait pas chez lui... Il manquerait de jus. C'est-à-dire que c'est clair que toute son inspiration, Mordecai, si on lit ses romans, viennent de son patelin, de ouais. cet endroit-là, de la rue Saint-Urbain, du vieux quartier juif montréalais, et de cette époque-là en Amérique du Nord. Ça n'a rien à voir avec l'Europe. Il vit en Europe. Mais ce qu'il raconte, c'est ancré dans une réalité qui est ici. Alors, il a besoin de venir se ressourcer. C'est aussi simple que ça. Il revient donc en 72. Va se passer presque une petite vingtaine d'années. ce qui nous mène en 91 et à la controverse. Ça nous amène à parler de son rapport avec le Québec, avec le nationalisme québécois en particulier. Publication en 91 d'un article dans le New Yorker qui va créer une grande polémique. Il laisse entendre, en gros, que les Québécois sont antisémites. Il en remet une couche, il poursuit, et la polémique va se poursuivre l'année suivante avec la publication de son livre « Au Canada, au Québec ». On écoute un extrait de votre documentaire, Francine Pelletier, où Mordecai Richler débat avec Jean-François Lisée. Why am I referred to in La Presse as Lake Raven Juif? Do they identify other writers? Yes, of course they do, because you made Jewishness the center of your very fine work of fiction. And when Antonine Maillet, when we write about her, we sometimes say the Acadian novelist Antonine Maillet. C'est clair que quelqu'un qui vit au Québec pour une partie de sa vie et qui croit que le Parti québécois utilise une chanson nazie et qui croit que 7 personnes sur 10 qu'il croise dans la rue sont hautement antisémites, c'est quelqu'un qui, un, n'a aucune connaissance réelle de la société québécoise et qui doit avoir une certaine paranoïa. Parce que si ça, c'était vrai, moi, j'irais le chercher chez lui pour qu'on déménage tous les deux ailleurs. Je ne pourrais pas vivre dans une société comme celle-là. Alors, puisqu'il l'écrit dans un essai et qu'il le croit, c'est qu'il y a quelque chose de paranoïaque ou de delusional dans son approche du Québec. Est-ce que Richler connaît le Québec dont il parle, Francine Pelletier? Non, c'est-à-dire oui et non, c'est-à-dire qu'il a vécu ici longtemps, il le connaît, il connaît les rues, il connaît l'esprit des lieux, mais il connaît pas l'âme québécoise. D'ailleurs, Jean-François Lisée, dans le film, dans un extrait de lui, va le reprendre parce qu'il dit il s'est beaucoup attaqué aux langues linguistiques, n'est-ce pas? Aux lois linguistiques. Aux lois linguistiques, voyons, en disant qu'ils étaient ridicules et absolument pas nécessaires. Et il s'en prenait au fait qu'on avait obligé aux commerçants anglais d'enlever l'apostrophe, alors que c'est pas du tout dans la loi. Et Jean-François Donc, lui mauvaise dit, connaissance mauvaise de la loi. Mauvaise connaissance de la loi. Il s'attaque à quelque chose qu'il connaît mal. Ouais. Et pas cette sensibilité de ce que représente, par exemple, la langue pour la survie du peuple québécois. Là. Ça lui échappe, ça. Exactement. Ouais. On croirait que, justement, parce qu'il comprend c'est quoi l'oppression, l'ayant vu ou senti chez, chez ses ancêtres, quand même, où l'antisémitisme est quand même partout dans les années 50 et 60, on croirait qu'il pourrait comprendre ce que vivent les francophones, mais pas du tout. Il ne voit ça que ça lui rappelle de mauvais souvenirs de ce qui s'est passé en Europe. Ouais. Pour lui, le nationalisme, c'est un fascisme déguisé. Là. C'est le nationalisme d'Hitler, entre autres. Exactement. Ouais. C'est un repli sur soi qui va faire des Juifs des boucs émissaires. Il va en devenir presque obsédé de cette question du nationalisme québécois. Il va créer, écoutez bien, l'Impure Laine Society. Il va créer un prix littéraire, le prix Jacques Parizeau, dont sont exclus les auteurs francophones du Québec. Vraiment, c'est une obsession. À nouveau, Jean-François Lisée, qui commente un passage de l'essai de Richler au Canada, au Québec, extrait de votre documentaire. Il y a un moment, c'est très intéressant, il fait la description de ce moment magique qui était le Montréal des années 50, qui était la capitale du Canada, qui était l'endroit le plus intéressant, etc. Et puis pour lui, ce Montréal idéal, le fait que les francophones n'aient aucun poste de direction important, le fait qu'ils soient moins bien payés que toutes les autres minorités au Canada, ça ne l'intéresse pas. Lui, le monde idéal, c'était un monde où les Québécois francophones étaient à leur place, c'est-à-dire en bas de l'échelle. Il ne le dit pas comme ça, mais c'est clair pour lui que c'était le bon temps. Alors donc, c'est un genre de paradis perdu. Pour lui, pour beaucoup d'anglophones de sa génération qui ont quitté le Québec, le paradis perdu du Montréal dominé par les anglophones, c'est quelque chose pour lequel ils ont une certaine nostalgie. Cette obsession antinationaliste de Mordecai Richler, Francine Pelletier, c'est ça? C'est ce paradis perdu? En fait, c'est deux choses. C'est vraiment la hantise de ce qu'ont connu les Juifs, pas seulement en Europe, mais qu'ils connaissent encore aujourd'hui avec l'antisémitisme et le nationalisme, quel qu'il soit, pour lui, est un provincialisme, c'est du tribalisme et qui cherche des boucs émissaires et c'est très souvent les Juifs. Donc, il y a ça. Et il y a le côté, effectivement, je suis un peu d'accord avec Jean-François là-dessus, le côté de l'anglophone du Golden Mile, là, mm-hmm. qui ne voit, qui a pas compris ce qui se passait du côté francophone, qui a pas beaucoup d'atomes crochus pour ça, et qui aimerait que ça revienne comme avant. Là. Ouais. Auteur de génie, on y revient, ou redoutable polémiste, les deux bien sûr, mais comment départager l'homme et l'écrivain? Je vous propose d'écouter les points de vue des auteurs Jean Simard et Roch Carrier à l'émission L'Observateur du 4 janvier 1981. C'est un raconteur, au fond. C'est le vrai romancier en sens qu'il raconte des histoires. Et je pense que c'est des problèmes à régler avec lui-même, surtout. C'est un bonhomme qui traîne, il semblerait, un tas de complexes. Il a même l'air de détester tout le monde à un certain moment. Dans son dernier livre, Joshua, on sent qu'il déteste les Canadiens français, il déteste les WASP anglais, il déteste les Juifs, ses coreligionnaires, il déteste tout le monde d'une certaine façon. Il faut fouiller beaucoup pour trouver de la tendresse chez lui. Je ne sais pas s'il est un homme heureux. C'est un être tellement sensible. Inquiet. Très inquiet. Voilà, c'est quelqu'un qui a une œuvre importante derrière lui. Et il dit que cette œuvre-là, c'est un échec. Alors que c'est très, très important et c'est très, très intéressant. Et c'est un échec, dit-il, parce qu'il a envie de recommencer, de faire un autre livre. Alors que s'il avait réussi, il aurait plus envie de continuer. Alors, cette façon de définir son travail indique qu'il doit avoir une grande inquiétude chez ce personnage. Mordecai Richler était-il un homme heureux, Francine Pelletier? Moi, je pense que même lui-même admettrait que l'homme privé, le mari et l'époux et le Montréalais qui allait prendre un pot avec ses potes, était un homme relativement heureux, même si le mot heureux était trop fleur bleue pour Mordecai Richler. Ouais. Il y a eu une vie personnelle quand même assez enviable. Mais l'homme public, l'écrivain, évidemment qu'il n'était pas heureux parce qu'il faut souffrir pour écrire. D'ailleurs, il dit « Écrire, c'est déjouer la mort. C'est pour ça que j'écris en espérant que quelque chose va rester, que je vais m'immortaliser. » Donc, c'est toute une mission. On ne peut pas être heureux en pensant qu'on est toujours en train de jouer sa vie à chaque fois qu'on écrit deux lignes. Aujourd'hui, où en sommes-nous? En est le Québec, Francine Pelletier, par rapport à ce grand polémiste, par rapport à Mordecai Richler? Mais moi, je regrette qu'on connaît toujours mal Mordecai Richler, qu'il y a plein de gens qui refusent de le lire à cause de ses positions sur le Québec. Et je suis d'accord que ses positions ont été absolument, des fois, outrées et inacceptables. Mais il y a un autre Mordecai Richler. Il y a un écrivain qu'il faut absolument découvrir, qui connaissait bien, je veux dire, qui possédait sa matière à sa façon et qui aussi avait un sens de l'humour absolument irremplaçable. Francine Pelletier, merci infiniment. Merci. Francine Pelletier, journaliste, amie de l'émission, réalisatrice du documentaire sur Mordecai Richler, le Cosaque de la rue Saint-Urbain. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.